Coucou. Bonjour, bonsoir. J'ai failli pas être là. Ah, quel désastre. Mais je suis là. Eh oui, arrivé juste pile à l'heure. Pour être là avec vous? Oui, pour être là avec vous. Parce que c'est un rendez-vous que je ne veux pas oublier. Donc, voilà. C'est dit, c'est fait. Nous sommes dans la 735e émission de Rendez-vous avec vous. Vous êtes toujours là, fidèle, et vous m'envoyez ravi, comme disent les Italiens, ravioli. Bon, allez, blague à part. On commence tout de suite? Oui, allez, on commence tout de suite, car c'est la fête aujourd'hui. Oui, c'est la fête. C'est parti. C'est toujours la fête, avec toi c'est toujours le printemps. Que c'est bon de perdre la tête, amusons-nous à tuer le temps. Oublions tous nos problèmes, ce soir ne pensons plus à rien. Le principal c'est que l'on s'aime, je t'aime et toi tu le sais bien. Allez bien ce soir c'est ta fête, allez bien on va danser. Allez bien ce soir c'est la fête, ensemble on va s'amuser. Allez bien ce soir c'est ta fête, dans mes bras je veux. Allez, viens, allez, viens, on va danser. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me dis que, eh bien, tout ça, ça fait danser, bien sûr. Mais l'amour, lui, quelque part, nous donne un peu des ailes, non? Vous ne croyez pas? L'amour, c'est quoi l'amour, d'ailleurs? C'est quoi l'amour? L'amour, l'amour, c'est quelque chose de spécial, je dirais même de particulier. Eh oui, parce que, ben, c'est quelque chose qui vous prend au corps et au cœur, n'est-ce pas? Allez, blague à part, on continue? Ben oui, nous sommes là pour ça, c'est parti! L'amour me donne des ailes, je voudrais m'envoler sur le toit de ma belle, je veux. J'étais un oiseau, je volerais vers toi. J'irais sur ta maison, faire mon lit sur ton doigt. À la belle saison, le printemps de retour, je viendrai en chantant dès le lever du jour. L'amour me donne des ailes, je voudrais m'envoler sur le toit de ma belle. Les carreaux, tu me feras peut-être ton sourire le plus beau. Et puis par habitude, ta cage dorée. L'amour me donne des ailes, je voudrais m'envoler. Sur le toit de ma belle, je veux la retrouver. L'amour me donne des ailes, l'amour me rend fou. La nuit je pense à elle et mes rêves sont doux. Eh oui, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est l'amour, hein. Des fois l'amour... Oui, c'est de l'amour éphémère, on appelle ça. Mais nous sommes là non pas pour de l'amour éphémère, nous sommes là pour passer un moment ensemble et le plus gaiement possible, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous propose ceci. Quand on ne comprend plus pourquoi la vie nous a tant déçus, moi je dis qu'il faut lui faire confiance, et je crois qu'on a chacun sa chance. Choisis de voir tout ce qui est beau, chanter, même si on chante faux, faire un pas pour trouver la cadence. C'est comme ça qu'on croise enfin la chance. À chacun son étoile, à chacun son destin, chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus et que sera demain, c'est aujourd'hui que brille le soleil. Le cœur s'est trouvé le chemin, mais la peur trop souvent nous retient. Le bonheur, on le cherche partout. Le trouver, ça dépend que de nous. À chacun son étoile, à chacun son destin, chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus et que sera demain, c'est aujourd'hui que brille le soleil. La vie peut nous combler chaque jour, il suffit de la voir avec un bout. Moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Oui je crois qu'on a chacun sa chance. À chacun son étoile, à chacun son destin, chaque jour que l'on vit est un cadeau. Hier ne reviendra plus et que sera demain, c'est aujourd'hui que brille le soleil. À chacun son étoile, à chacun son destin, chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus et que sera demain, c'est aujourd'hui que brille le soleil. À chaque... Ah oui, à chacun son étoile et à chacun sa peine parfois, bien sûr, parce que les étoiles, quelquefois, on va les chercher très loin, encore que on les admire beaucoup, surtout lorsqu'elles sont là-haut perchées dans le ciel et qu'elles brillent justement d'une belle lumière. Quand on danse, on a toujours 20 ans. On ne voit jamais passer le temps. On fait glisser ses souliers sur des rythmes familiers et l'on fredonne un refrain en même temps. Quand on danse, on ne vieillit jamais. Les petits tracas sont oubliés. Ça vous met le cœur au bonheur, un musicien, un chanteur. Quand on danse, on a toujours 20 ans. Avec Sébastien, Denis, Émile et Nathalie, nous aimons la rigolade. À la fin de la semaine, on se retrouve entre amis, nous partons tous en balade. Nous allons guincher au son du biniou à Momo, sa musique est populaire. C'est sur ses passos, ses jolies valsettes, ses tangos qu'on va gambiller la nuit entière. Quand on danse, on a toujours 20 ans. On ne voit jamais passer le temps. On fait glisser ses souliers sur des rythmes familiers et l'on fredonne un refrain en même temps. Quand on danse, on ne vieillit jamais. Les petits tracas sont oubliés. Ça vous met le cœur au bonheur, un musicien, un chanteur. Quand on danse, on a toujours 20 ans. C'est notre façon d'ensoleiller le quotidien, d'avoir la tête en vacances, de garder toujours sa jeunesse et son entrain, et sa joie dans l'existence. C'est pourquoi le soir après la sortie du boulot, assis devant un pic en bière, on parle entre nous du prochain bal au bord de l'eau, où l'on pourra danser sans manière. Quand on danse, on ne vieillit jamais. Les petits tracas sont oubliés. Ça vous met le cœur au bonheur, un musicien, un chanteur. Quand on danse, on a toujours 20 ans. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je vous rencontre à peine, vous proposez déjà que je vous appartienne, soumise entre vos draps. Il y a quelques années, je vous aurais suivi sans même vous demander mon retour en taxi. J'ai trop longtemps tourné sur les mêmes manèges, j'ai du mal à changer, alors je me protège. Rentrez chez vous ce soir, téléphonez demain, nous pourrions nous revoir. Non, soyez pas certains. Si vous n'y croyez pas, si c'est trop démodé, alors oubliez-moi. Je n'attends rien de vous, mais vous voulez de moi. Soyez patient, c'est tout. Et puis séduisez-moi, j'ai déjà des amis. J'ai besoin d'un amant, mais j'attendrai de lui qu'il m'aime éperdument. Je vous rencontre à peine, vous me plaisez déjà. Mais pour que l'amour revienne, monsieur, méritez-moi. Faites-moi la cour, comme on faisait la cour aux femmes d'autrefois. Appelez-moi madame et offrez-moi des fleurs. Faites-moi la cour, parlez-moi d'amour avant. Faites-moi la cour, faites-moi la cour, comme on faisait la cour aux femmes d'autrefois. Appelez-moi madame et offrez-moi des fleurs. Faites-moi la cour, parlez-moi d'amour. On danse, on a toujours 20 ans. On ne voit jamais passer le temps. On fait glisser ses souliers sur des rythmes familiers. Ah, ça c'est une petite erreur. Hein. Ah oui, c'est une toute petite erreur qu'on va corriger tout de suite d'ailleurs. Et on va la remplacer par une autre belle chanson. Parce que quand on danse, on le sait qu'on a toujours 20 ans. Mais on l'a déjà entendu. Et on va en écouter une autre. Eh oui, je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui. Eh oui, donc voilà, un peu perturbé, mais allez, ça continue. Thank you.

choisis, n'en parlons plus. Je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené. Et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené. Et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Juste pour le plaisir, juste pour le plaisir. Il faut fuir son histoire pour ne plus lui dire tu, mais dans chaque départ, c'est toujours soi. Mais comment fuir l'absence quand on la porte en soi? Les portes du silence ne se referment pas. Ginette Reynaud dans Je me souviens de toi. Ma mère chantait toujours la la la, une chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras. Et puis tu t'en iras, et un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Très vite, elle lui rendait des arts. Et quand ils repartaient sur l'eau, leurs larmes allaient grouiller.

pourquoi demander aux autres un roman plus merveilleux, un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Demander aux autres un roman plus merveilleux, un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Toutes les FM, des chansons qui parlent de toi. Besoin de te voir plus fort à chaque tour de roue. Cigarette et café noir pour tenir jusqu'au bout. La neige est sur Montréal, l'hiver sur ton chemin. À demain nous deux. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Attention les gars, les filles, vous êtes prêts? On va faire comme dans le Far West et danser la country musette. Voici l'histoire d'un vieux cow-boy qui grattait sur son vieux banjo. Autour du feu dans la rocaille, il chantait Olaïdi, ah, Olaïho. Je vais vous le décrire en détail. Il était petit, il était gros, vilain comme un épouvantail. Les deux jambes en cerceau, aussi laid que Quasimodo. Mais quand il jouait sur son banjo, il devenait le plus grand, le plus beau. Tous les cow-boys près du rancho beuglaient plus fort que le. La journée sur son cheval, il faisait tourner son lasso. Quand un veau se faisait la malle, il lançait son cheval au grand galop. Quand le soleil était brutal, qu'il n'avait plus une goutte d'eau. Quand le whisky dans certains bals remplaçait le café chaud, Joe était rond comme son. Il paraît que la vie commence à 60 ans. Allons-y. Quand on la connaît mieux qu'avant et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur, la vie commence à 60 ans. Quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on pose, de s'approcher plus près des choses. Comme autrefois nous l'avions été, la jeunesse est pressée. Elle a ses problèmes et ses soucis, nous les avions aussi. L'existence est une affaire de patience, chaque âge a ses plaisirs, où il faut savoir vieillir avec le sourire. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans, quand on peut prendre enfin

pas. Nous deux, ce n'est déjà plus qu'un souvenir. Au fond de nos cœurs déçus, tout se déchire. Alors à quoi bon la peine et le chagrin? Encore un dernier je t'aime et c'est la fin. Je regarde la plage, un gosse au loin écoute un coquillage. Il y a des ballons sur le sable mouillé, la mer doucement s'est retirée. Toutes les senteurs, tous les parfums d'enfance, au vent léger me font des confidences. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie, tout me semble plus beau, plus joli. Quand j'irai jouer ce soir à mon tour sur le piano blanc, y aura-t-il une autre maman pour apprendre en lui souriant gentiment? Quelques pas de danse à son petit garçon sur ma chanson du swing à gogo pour le souvenir d'un vieux casino qui m'a donné tant de plaisir. Les plus grandes vedettes sont venues faire leur show dans le salon dancing du casino. Allez, joue! Saxo pour un dernier slow. Le salon dancing va bientôt tirer ses rideaux. À tous ceux qui l'ont connu par le passé, je leur dis, musique, il faut danser. Le dancing va fermer ses volets. Thank you. Qu'elle te croit. Eh bien, voilà, au pompier de service, Gigi Lamoroso, ça lui fait des frissons. Et à vous, ça vous fait quoi, à vous? Ça vous fait des frissons? Il m'a même dit que ça lui faisait monter les poils partout. Oh, oh, oh, oh le coquin! Oh, le coquin, je te jure, c'est pas possible. Rien, ni limousine, ni fleurs, rien, ni vie facile ailleurs, rien ne te ressemble. Et tout, la maison où tu vis, tout, ton monde et tes amis, tout est merveilleux pour moi. Oui, et sortir ensemble. Tout me fait rêver si fort. Tout ce que tu es pour moi, tout ce qui m'arrive, toi tu es tout ce que j'aime, ce que j'aime. Information, c'est sur Sorgir FM. And the final song is the Luxembourg entry. I confess to a sneaking regard for both the singer and the song. Si la vie est cadeau, if life is a gift. One of the best singers in the contest, Corinne Hermès, striking girl with striking pale eyes. If life is a gift, to be given then taken back, a stolen gift. And take love as a gift. Song Contest 1983. Der 20. Beitrag kommt aus Luxembourg. En 1983, c'était l'Eurovision au Luxembourg. C'était la présentation. The final song of the Song Contest is coming from Luxembourg. La chanson finale de notre concours Eurovision de la chanson nous vient de Luxembourg. Si la vie est cadeau. Texte, lyrics, paroles par Alain Garcia. Componiste, composer, compositeur, Jean-Pierre Miller. Der Dirigent, der Conductor, le chef d'orchestre, Michel Bernholk. Michel Bernholk is also a composer and a record producer. Und es singt Performing Artist, interprété par Corinne Hermes. Corinne Hermes with a backing group of five. Si la vie est cadeau, if life is a gift. C'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux, et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Thank you. Allez, on va finir cette deuxième partie de l'émission avec Maria Elena à la guitare, s'il vous plaît. Italien? Oui, oui, oui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ecco una rosa per amore, amor, amor lontano, sta solo per te, solo per te, perché ti amo. Questa mia rosa sarà la prova vera del mio amore. La rosa non basterà, ma tu sei già dentro al mio cuore. Mandami un bacio anche se tu lo puoi fare sol da lontano. Il vento lo porterà e ti dirà che io ti amo. Raggi di sole nel mare scrivono amor, amor lontano. L'onda ritornerà a te, tu leggerai che io ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, non posso restar senza te. Ti amo, ti amo, ti amo, ritorna, ritorna da me. Ti amo, fare la mia mano. Ogni pensiero sarà solo per te, per il mio amore. Fresca rugiada tu sei, ecco perché ti dono un fiore. Alessandra, vai Ale! Al momento che ti amo, tutto è diventato facile. Il mio tempo non è inutile, ora è dedicato a te. Vita mia, l'unica ragione tu della mia vita. Io che avevo ormai perduto tutte quante le speranze, non credevo. Hai saputo dar la mano a chi non credeva più a nessuno. Tutto hai dato senza chiedere per un uomo come me. Vita mia, l'unica ragione tu della mia vita. Io che avevo ormai perduto tutte quante le speranze, non credevo. Sei venuta tu. La voce di Marco per voi, il nostro ultimo disco, Vita mia. Vita mia, vita mia, unica ragione tu della mia vita, della mia vita. quando in un fascino d'oro tornano le stelle a brillare, la nostalgia d'amore mi fa soffrire, mi fa sognare. Penso al mio triste destino che ci divise quel dì, e rifacendo il cammin nel mio dolor invoco ancora. Tornerò perché ho tanto freddo al cuore e alla fiamma del tuo amore io lo voglio riscaldare. Tanto belli che mi han fatto innamorar. Fammi tornare da te nella casetta tra i fiori, fammi tornare perché questo mio cuore non vive più. Ti canterò come un dì la mia canzone d'amore, e sulle braccia così nel sole d'or ti porterò. Tornerò perché ho tanto freddo al cuore e alla fiamma del tuo amore io lo voglio riscaldare. Tornerò per baciare i tuoi capelli e quegli occhi tanto belli che mi han fatto innamorare. Le quart d'heure italien, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est le quart d'heure italien, on y est! Avec les plus belles chansons d'orchestre. Se non ci fossi tu, cosa sarebbe la mia vita? Avrei grandi silenzi nel cuore e nella mente, giorni fatti di niente. Se non ci fossi tu, nulla avrebbe un senso. Anche se oggi piove, c'è freddo, il cielo è grigio, per me c'è sempre il sole. Amore, amami come sai fare tu. Amore, prendimi e dammi ancor di più. Dammi i tuoi sguardi, i tuoi occhi e il sorriso. Portami in paradiso e avvolgi il mio cuore di tutto quell'amore che tu mi sai dare quando ti stringi a me. Se non ci fossi tu, si oscurerebbero i miei sogni. Senza quelle emozioni che colmano i miei giorni, che giorni io vivrei? Se non ci fossi tu, quei dolci desideri sarebbero i

quando l'alba spalanca il sipario sul mattino, e la notte portandosi il buio è andata già. Là in campagna comincia la vita piano piano, e al lavoro c'è già il contadino che viene che va, che fatica ogni giorno di più là nei campi, un po' su e un po' giù, ma la terra è la vita e lui questo lo sa. Tenera amica che sempre l'aspetta e che il meglio gli dà. Viene sera e il sole tramonta e poi scompare, lascia solo il ricordo, il tepore ancora qui. Se ne va il contadino e ritorna il casolare, e asciugando la fronte sudata sospira così. Che fatica, poi pregando Gesù, chiede solo la salute di più, e accettando la vita, dolce notte sarà, e sperando che il tempo domani sia bello si addormenterà. E accettando la vita, dolce notte sarà, e sperando che il tempo domani sia bello si addormenterà, e sperando che il tempo domani sia bello si addormenterà. Bastata per me l'emozione dell'attimo che io ti ho vista passare, non sapevo di te e né dove tutti i sogni che fai poi volessero andare, ma già dentro di me c'è qualcosa di strano che già l'aveva capito. Sei quel sogno che ho sempre aspettato, quello che non speravo già più, ma che adesso ha un volto ed un nome, e quel sogno sei tu. E parlando di te sento un tuffo al cuore. Tu che cos'è quel che mi fa volare se non è amore? E lo sai anche tu, questo mio tuffo al cuore non è niente di più, niente meno che amore. E gli amici lo so, fanno finta di niente, però